Il ne neigeait plus sur Montréal. Hans veillait dans la sortie de secours. Il écoutait la nuit urbaine, paisiblement, emmitouflé dans son capuchon, appuyé inconfortablement contre les barreaux rouillés du balcon. Il tâtait machinalement le bout de ses lacets, les bottes trouées par l'usure. On entendait Nilsin bricoler avec des casseroles dans l'atelier. Pendant ce temps, Svet faisait le premier tour de garde, en ronde, sur le toit. Il pouvait y avoir plein de merde la nuit. Les gens du coin étaient généralement sympas, mais il s'en trouvait toujours un ou deux qui se pointaient en épisode de psychose, les neurones frits par la V. Un squat fonctionnel finissait toujours par être la cible des vautours. Si ce n'étaient pas les cochons, c'étaient les cultistes du septième jour, des trafiquants d'organes ou n'importe quel pervers qui débarquait la queue à l'air. Une nuit comme toutes les autres, mais Hans n'arrivait pas à dormir. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, cette odeur d'ozone avant l'orage, cette impression de fébrilité, de nouveauté, comme si tout était possible. Pourtant, au premier regard, on aurait dit que rien n'avait changé. La pointe était toujours la même, entassée, empoisonnée, autant de plâtres fissurés, de cartons trempés, de moisissures, de terre plombée. Là, la voie ferrée enchâssant le territoire de O'Regan, le roi des taudis, qui régnait sur le sud dans la fiente et les amphétamines. Plus loin, les clôtures électrifiées et derrière cette bretelle de l'autoroute qui avait remplacé Victoria Town au siècle dernier. Un autre bidonville, une gangrène que les riches avaient créée, puis amputée, aussi facilement avec deux ou trois articles de loi et des pelles mécaniques. La pointe était prise dans un étau. Au nord, les eaux stagnantes du canal Lachine où flottent les cadavres et des miettes de plastique. Tout se terminait à l'est, avec les feux ardents du centre-ville, ses tours lumineuses et cristallines, les mitraillettes automatiques et leurs phares de sodium. On y devinait des citoyens respectables, aux augmentations génétiques, protégés par une armée de flicailles paramilitaires, puis les fractales d'échanges boursiers, la junte hyper-capitaliste dans son hystérie perpétuelle. Comme une bête robotisée, les veines électriques de Montréal, ses néons holoprojecteurs et bornes optiques fusionnaient le long des boulevards. Les canaux du pouvoir et de l'information convergeant inéluctablement vers le cœur de la cité. L'arcologie. Cette pyramide vitrée restait plantée comme un pieu dans le sein de l'île. Un circuit de vie fermé, chef-d'œuvre du développement durable, où respiraient, complotaient et jouissaient la crème de la crème, tous les William Saint-Onge de ce monde. Dans le ciel orangé d'avril, un hélicoptère blindé veillait sur le quartier des affaires, stationnaire, à basse altitude. D'un seul regard, tout était pareil. Mais Hans savait que ça grouillait, là, sous le vernis. 2 degrés Celsius. Rien qu'un chiffre, et pourtant, son sens était violent. L'anomalie du réchauffement climatique, le seuil qu'avaient fixé les savants du monde, le siècle dernier. Ils avaient calculé qu'à 2 degrés, tout le monde était baisé, que c'était un point de non-retour, qu'après, ce serait une sorte de réaction en chaîne, que tous allaient y passer, comme à l'abattoir. Rien ne pouvant empêcher l'extinction massive de l'Holocène. Entre-temps, l'histoire n'avait été qu'un long frémissement pathétique, les scientifiques déchirant leurs chemises toutes les semaines, se demandant pourquoi personne ne les écoutait. La population qui paniquait entre 2 pauses publicitaires et se tournait vers ses leaders, qui, eux, étaient morts de rire, la bouche pleine de pognon. Décennie sur décennie, la société industrielle se plaignait dans son miroir de la culture, simultanément sexy et suicidaire. Les anarchistes se multipliaient comme des cellules cancéreuses, noires et gorgées de pu. De temps à autre, une poignée d'entre eux allait se faire casser les dents et cribler de balles par une escouade tactique du SOM. Le reste attendait patiemment. Il y avait trop d'espoir pour transformer la tumeur en métastase. Mais voilà, Il était trop tard et tout le monde le savait. C'était foutu. Il ne neigeait plus sur Montréal. Fini l'espoir. Et Hans contemplait la fosse commune de la cité, séduit par cette idée de non-retour. La façon dont les variables se muaient, sensuelles, les règles du jeu renversées du jour au lendemain. 10 milliards d'individus acculés au pied du mur, l'herbe coupée sous le pied. L'instinct qui refait surface après 10 000 ans d'abstraction. La révolte totale. Enfin! Ébloui par l'horreur de la civilisation industrielle, Hans voyait son plan prendre forme, bloc par bloc, ligne par ligne, une variable par-dessus l'autre, quantifiée, qualifiée. Il pouvait quasiment goûter la fumée des autopatrouilles enflammées, sentir la chaleur du brasier sur ses joues. « Ça va? » demanda Nilsson en faisant irruption sur le balcon. Elle s'assit près de lui, une tasse d'étain dans chaque main. Ses jointures blanches et tatouées lisaient ACAB et NTFA. Sur le revers d'une main, la cicatrice d'un autre tatouage enlevé au couteau. Dans la pénombre, sa peau rosée, sans pigmentation, lui donnait des airs fantomatiques, éthérés, comme sa longue chevelure blanche en tresse, ses yeux mauves, vitreux. Ses pantalons étaient couverts de patchs et autres bouts de tissu. Elle les avait raccommodés si souvent que plus personne ne savait de quelle couleur ils étaient à l'origine. Les jambes croisées, musculeuses, laissaient paraître la forme des poings américains logés dans ses poches. Entre les replis de sa chemise entrouverte reposait un collier fait de petites flèches qui allaient dans tous les sens. L'étoile du chaos. T'as l'air dans la lune, ajouta-t-elle à voix basse, lui tendant une tasse. Tu veux que je te laisse à tes pensées? Hans prit la tasse, huma les effluves d'alcool, l'arôme sucré du décapant. Nilsson avait trouvé une caisse de pêche dans les poubelles 3 mois plus tôt et avait réussi à concocter une espèce d'eau-de-vie infecte que Svet avait baptisée affectueusement en recrachant la première gorgée. « Non, reste !» murmura Hans, trempant ses lèvres dans la mixture, grimaçant sous le goût âcre. « J'arrive juste pas à dormir. Cauchemar et tout. « Ouais !» ricana Nilsson. « Depuis la famine de 47, j'aurais juré qu'il y aurait plus de manifs en ville. C'est excitant. Évidemment, ça va rien changer. » Hans frissonna en se remémorant la barricade rue Charlevoix et le béhémoth qui l'avait réduite en poussière, la façon dont les hydrauliques de son canon de mort grinçaient en se réalignant vers eux. « Évidemment, » doubla Hans cyniquement. « Tu crois qu'on va survivre à celle-là? » Hans réalisa que ses mains tremblaient quand il sentit une goutte de décapant lui couler sur le pouce. Il déposa la tasse. Nilsson devina sa détresse et se rapprocha, lui frotta le dos pour le réconforter. « T'en fais pas !» chuchota-t-elle simplement. « Je serai avec toi. Et puis, il faut bien passer au travers, c'est que la première étape du plan. La suite s'annonce bien, le meeting est presque prêt, X et Ruby viennent de confirmer. Avec les nihilistes, on sera 13 !» Hans leva sa tasse, un sourire mêlé d'amertume. « À la fin du monde » proposa-t-il. À la mort de la civilisation, précisa Nilsson, ses yeux sanguins dans l'obscurité. Il y a tous ces salopards qui vont tomber avec.